Ça se voit pas, mais pourtant. Juste sous la peau. Nous attendons qu'on a retrouvé les cheveux. Jean-François Blanchard, je suis étudiant en doctorat, mais comme des cheveux blancs. Vous travaillez sur quoi? Parce que c'est pour les personnes que nous connaissons. Je travaille sur les relations entre les langues minoritaires et l'Internet, les techniques de la communication, s'intéressant en particulier aux cas que nous avons évoqués. Je m'appelle Vladislav Villot, je termine mon master de breton à deux. Gaëlle Jolot, je travaille en tant que doctorante au laboratoire du CNC à Brest. Et je travaille donc sur la transmission familiale de la langue bretonne en Bretagne et du français en Saskatchewan, qui est une province canadienne. Je m'appelle Pierre Mollet, je suis étudiant en Master 2 de sociologie à Rennes et je travaille sur la gestion des différentes confessions religieuses par les villes, vues par les villes de Rennes et Nantes. Donc, Nadia Chiblik, professeur de sociologie, et j'ai la chance infime d'enseigner donc à mes étudiants plein de choses sur les rapports de domination. Et comme je leur dis, c'est 5 en 1, ça veut dire que ce soit entre les sociétés, que ce soit entre les classes, que ce soit entre les sexes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bref, tout. C'est la même logique, simple, nette, et c'est magnifique d'enseigner des choses qui me passionnent, qui me construisent, et pour lesquelles je suis payé. Hélène Gizekel, je suis doctorante au laboratoire préfixe à Rennes 2, et je travaille sur les scolarités chaotiques chez les enfants plurilingues d'une commune de l'ouest de la Guyane française. Donc je travaille particulièrement sur les langues utilisées dans le système scolaire et en dehors du système scolaire. Catherine Chanteau, je suis arrivée par famille. J'ai fait des études d'histoire et de breton il y a longtemps déjà, et maintenant je travaille pour une association qui s'appelle Bubapar et qui a pour but de développer l'utilisation du breton en dehors de l'école, surtout pour les enfants et les jeunes. Ah, Fanny Chauffin, j'ai pas de voix du tout, donc ça peut être facile. Ah. Pareil, extinction de voix complète entière. Donc je suis doctorante, prof de français dans un collège d'Iwang à Quimper, et je m'intéresse à d'Iwang dans les 12 dernières années sur les rapports entre pédagogie, créativité et langue bretonne. Vaste programme. C'est Cédric Chauffin, je suis professeur de breton et j'ai travaillé sur la représentation des peuples exotiques et des missions dans Fêtes à Braise à la fin du 19e siècle. Nathalie Karatek, je suis prof de lettres et puis j'enseigne en école d'ingénieur à Lannion, donc qui dépend de Rennes, et je fais de la recherche sur la Bretagne, la représentation de la Bretagne dans la littérature contemporaine, et puis aussi sur les problématiques du paysage dans la poésie contemporaine. Voilà, et donc Ronan Le Quadic, je suis sociologue, je travaille sur les questions d'identité, notamment l'identité bretonne, et je suis prof à Rennes 2. Et donc la parole est au maître. Bon, je vais parler de la situation des situations minoritaires. Alors, autant dire tout de suite, je ne vais pas apporter là-dessus des révélations, même des choses véritablement nouvelles, dans la mesure où j'ai déjà écrit là-dessus, où j'ai déjà exposé très souvent, que certains connaissent déjà, même si ce sont les happy few, ce que je vais raconter. Je n'ai pas non plus la prétention, évidemment, de tout dire sur cette question, de rendre compte de tous les problèmes impliqués, de toutes les situations concrètes, historiques et contemporaines, parler de toutes les minorités qui se comptent par milliers dans le monde et qui se sont comptées historiquement par milliers, dans tous les pays et tous les continents. Ce que j'ai tenté, en des recherches depuis pas mal d'années maintenant, et sans tout tirer bien sûr de mon bonnet, mais en m'appuyant sur les travaux antérieurs, surtout des travaux américains, d'ailleurs des sociologues américains, parce que ce sont des questions, des relations de minorité Mais les problèmes de minorité et les relations interethniques qui n'ont pas été très... qui n'ont pas attiré l'attention beaucoup des chercheurs en sciences sociales français, comme on sait, c'est un domaine qui est mineur, précisément, dans la recherche française. Donc ce que je vais tenter, en tout cas, c'est d'apporter là-dessus, sur ces questions, sur ces problèmes, un éclairage que je crois pertinent et que je considérerai comme tel, aussi longtemps qu'on n'aura pas démontré le contraire. Cela en schématisant, j'en ai bien conscience, par rapport à tous les cas particuliers de minorités auxquels on peut penser, ce sont là des problèmes, mais on le sait, particulièrement compliqués. Et en continuel changement, il faut bien dire qu'aucune analyse, de toute façon, quelque domaine que ce soit, ne peut jamais épuiser toute la richesse du réel, rendre compte de toute la complexité. Pour cette analyse de la situation minoritaire, dans la perspective de la sociologie des relations interethniques, et je précise bien que je parle ici en tant que sociologue, et c'est dans une perspective proprement sociologique, donc pour cette analyse, il convient, me semble-t-il, de partir très simplement de l'examen même du mot de minorité, de ses diverses significations, ou pour mieux dire, de ses emplois, et donc de se référer au dictionnaire général de la langue française en l'occurrence, puisqu'on parle ici en français, mais dans une autre langue, enfin, des langues voisines en tous les cas, et notamment en anglais, les choses ne seraient pas, je crois, très différentes. Et on va voir tout de suite que cet examen du dictionnaire, ça n'est pas une opération futile, ça n'est pas de pinailler sur les mots et sur les définitions, car cela nous introduit au cœur même du problème de la situation minoritaire. D'après donc le dictionnaire, et spécialement le Robert dans ses diverses versions et éditions, on peut distinguer trois emplois, trois niveaux du sens du mot minorité. Premièrement, dans son sens premier, attesté au XIVe siècle, minorité, du latin minoritas, qui est dérivé de minor, qui signifie, comme chacun sait, plus petit, plus jeune, plus faible, moindre. Minorité, donc, c'est par antonyme à majorité l'état d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge où elle sera légalement considérée comme pleinement capable et responsable de ses actes. La minorité qui, en droit français, entre autres, cesse aujourd'hui, comme on sait, à 18 ans accompli, c'est, je cite, la situation de l'individu qui est présumé n'avoir pas atteint un degré de formation intellectuelle suffisant pour qu'il puisse se gouverner lui-même. L'individu mineur étant en principe totalement incapable, cet état de minorité implique la tutelle exercée par les parents ou l'un des parents, ou à défaut par un tuteur juridiquement désigné. Par glissement métaphorique, la minorité, c'est aussi, en dehors de toute question d'âge, l'état d'infériorité qui entraîne une tutelle. Ainsi, de certains handicapés mentaux, ou des gens du troisième ou du quatrième âge, comme on dit en langage politiquement correct, autrement dit les vieux, qui sont devenus gaga et qui n'ont plus l'usage de toutes leurs facultés, et qui sont mis sous curatelle ou sous tutelle. A noter d'ailleurs par ailleurs que le sens ancien figuré de mineur, moins puissant, inférieur socialement, a été conservé dans le vocabulaire ecclésiastique pour désigner les plus bas degrés de la hiérarchie monastique, les frères mineurs, les ordres mineurs, et à noter également que ce sens ancien, médiéval, est réapparu à l'époque contemporaine avec la valeur dépréciative, voire péjorative, de secondaire, peu important, de second plan. C'est ainsi que l'on parle des écrivains ou des artistes mineurs, des gens mineurs en littérature, les romans policiers par exemple, ou bien dans les arts, les œuvres qui sont exécutées par des artisans et non par des artistes sont dites mineures, les arts mineurs. Ou bien encore, dans toutes sortes de problèmes, on fait état des questions mineures dans la vie quotidienne, sociale, politique, économique, etc. Ça, c'est le premier sens, donc, du terme de minorité. Deuxième signification, deuxième emploi du terme de minorité, toujours selon le dictionnaire, à partir du XVIIIe siècle et par emprunt à l'anglais minorité, lui-même venu du français ou directement du latin médiéval, la minorité désigne, je cite, un groupement de voix qui est inférieur en nombre dans un vote, dans une réunion de votants, et par extension, un groupe à partir ou un ensemble de partis réunissant lors des élections moins de suffrages que le ou les groupes ou partis adverses, qui sont dits majoritaires. On a de la sorte les minorités parlementaires, des minorités de droite ou des minorités de gauche. On discute de la représentation des minorités dans un système électoral, en particulier par la représentation proportionnelle, etc. De là, par extension, aussi, le terme de minorité en est venu à signifier sans idée de vote, soit encore dans le champ politique, soit en d'autres champs, des groupes relativement peu nombreux que distinguent leurs intérêts, leurs idées, leurs activités, etc. On parle notamment en ce sens des minorités actives ou des minorités agissantes, parfois opposées à ce qui serait la majorité silencieuse, voire ce terme de minorité désigne une simple catégorie, un ensemble purement statistique d'individus se trouvant à un égard ou à un autre en moindre nombre, et on dira ainsi que telle opinion ou en quelque domaine n'est partagée que par une minorité, ou bien qu'un livre, un ouvrage de sociologie, par exemple, surtout s'il a trait aux relations ethniques, ne peut intéresser qu'une minorité de lecteurs, etc. Troisième niveau d'emploi du terme minorité, le plus tardif, apparu vers le milieu du 19e siècle, c'est le sens du terme minorité pour désigner, c'est l'emploi du terme de minorité pour désigner, selon la définition du juriste René Capitan, cité par le dictionnaire Rambert, un groupement de personnes liées par des affinités religieuses, linguistiques, ethniques, politiques, et englobées dans un ensemble plus important. C'est une collectivité de race, de langue ou de religion caractérisée par un vouloir vivre collectif, englobée dans la population majoritaire d'un État dont ses affinités tendent à l'éloigner. Et l'on a parlé en ce sens de l'oppression des minorités, des droits des minorités et de leur protection, etc. Ces problèmes de minorités ayant été au XIXe siècle, ayant constitué en certains contextes, et notamment au XIXe siècle et au XXe siècle, une question politique majeure. Ces problèmes de minorité ont été ainsi à l'origine du démantèlement des empires turcs et austro-hongrois, et au moins, à titre de prétexte, ont servi au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, un an après les accords de Munich qui permirent à l'Allemagne d'annexer les Sudètes, notamment du droit de la minorité allemande inclus en Tchécoslovaquie. Hitler a annexé les Sudètes et a déclenché contre la Pologne la Seconde Guerre mondiale. Donc ces problèmes de minorité, ce ne pas des problèmes accessoires, c'est des problèmes qui ont joué un rôle absolument capital dans l'histoire du monde. Dans le sens, dans le troisième sens du terme, des minorités nationales, telles qu'on en a parlé abondamment au 19e et au 20e siècle. Maintenant, une telle définition du dictionnaire. Le dictionnaire général donne des indications qui sont tout à fait intéressantes, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes pour définir le concept sociologique de minorité. Ce concept sociologique de minorité, dans le champ de la recherche sur les relations interethniques, relève directement du troisième emploi donné par le Robert, mais il réfère également, ce concept sociologique, comme on va le voir, et c'est loin, et c'est là un point capital, qui réfère au premier emploi du terme de minorité. Ce terme de minorité, donc en sociologie des relations interethniques, désigne des collectivités. Dans ce terme de minorité, on désigne des collectivités constituées sur la base d'une origine réelle ou supposée, en même temps que d'une langue, d'une culture, éventuellement d'une religion, ces collectivités étant placées dans un état de plus ou moins grande infériorité, inégalité, dépendance, exclusion ou marginalité par rapport à une collectivité similaire majoritaire. Ce concept sociologique de minorité a été principalement élaboré par les sociologues américains à partir de la notion de minorité nationale devenue courante, comme on vient de le voir, au 19e, enfin le terme est vraiment devenu très courant, au tournant du 19e et du 20e siècle, utilisé dans la deuxième moitié du 20e siècle. Il a été abondamment utilisé aux alentours des années 1900. Dans le vocabulaire historique et politique, ce terme de minorité nationale désignait les peuples dominés d'Europe orientale et centrale, les minorités des empires inclus dans les peuples inclus dans les empires turcs et austro-hongrois. Cette notion a été adoptée par les sociologues américains et réinterprétée dans un premier temps en termes nord-américains, c'est-à-dire adaptée au contexte de la situation multiraciale et multiethnique des États-Unis et pour tenter de rendre compte de cette situation. Ce concept sociologique a ensuite été repris par d'autres analyses en dehors des États-Unis, d'autres analyses des relations interethniques pour être appliquées à d'autres situations un peu partout dans le monde. Une définition que l'on peut considérer comme classique a été donnée de ce concept par Louis Wirth, sociologue de l'école de Chicago, l'auteur du ghetto. Dans un article de 1945, et l'ancienneté de la définition ne la rend pas caduque pour cela, je cite, « Nous pouvons définir une minorité comme un groupe de gens qui, à cause de leurs caractères physiques ou culturels, sont séparés des autres dans la société dans laquelle ils vivent par un traitement différent et inégal, et qui, en conséquence, se considèrent eux-mêmes comme objet de discrimination collective. L'existence d'une minorité dans une société implique l'existence d'un groupe dominant correspondant avec un statut social plus élevé et de plus grands privilèges. Le statut de minorité comporte l'exclusion de la pleine participation à la vie de la société. » On parle ainsi dans la sociologie que l'on dit des relations interethniques et des problèmes de minorité. On parle ainsi, non pas bien entendu, de n'importe quelle minorité, comme on le fait souvent aujourd'hui dans le langage courant par amalgame inconsidéré, mais on parle de groupes, de collectivités, d'ensembles collectifs, dont les membres sont liés, plus ou moins liés, ou qui se représentent comme liés, ou sont considérés comme tels, liés par la similitude, plus ou moins, des mœurs, des usages, des coutumes, des manières de penser, de sentir et d'agir, accompagnées d'un sentiment, plus ou moins là aussi, ressenti et partagé d'appartenance. Les ensembles collectifs auxquels sont accolés différents adjectifs, puisqu'on parle des minorités ethniques, des minorités raciales, culturelles, religieuses, linguistiques, ou encore des minorités nationales, nationalitaires ou régionales, et parfois par double adjectivation, on parle de minorités ethno-religieuses, ethno-linguistiques, voire ethno-raciales ou ethno-culturelles, cette diversité d'appellation étant d'ailleurs un indice de la complexité et des difficultés de l'analyse. On ne sait pas toujours très bien, de fait, on sait rarement très bien comment désigner telle ou telle minorité quel adjectif lui convient de telle sorte que l'accord est d'abord des principaux intéressés eux-mêmes, les minoritaires, que l'accord puisse se faire sur cette désignation, sur cet adjectif que l'on accole à telle ou telle minorité. Pour faire bref, en schématisant et en utilisant des concepts qui eux-mêmes font problème, commencer, on peut dire que ce qui constitue ces groupes, ces ensembles collectifs, c'est ce que l'on désigne comme l'ethnicité, parfois la nationalité, ou bien encore l'identité que l'on dit ethnique, culturelle, régionale ou nationale. Des ensembles collectifs dont il faut d'ailleurs tout de suite noter que leurs frontières, leurs contours, leurs délimitations sont pas toujours, mais dans un très grand nombre de cas, difficiles à tracer, qui y appartient, qui appartient à la minorité, qui n'y appartient pas, où passe la limite entre tel groupe et tel autre, etc. Il s'agit en d'autres termes, et sans d'ailleurs que cela remette en cause leur bien réelle existence, il s'agit d'ensembles collectifs flous, aux frontières, aux contours, très souvent indécis, comme il en va d'ailleurs pour d'autres ensembles collectifs, et notamment les classes sociales, qui sont des ensembles collectifs flous, aux frontières extrêmement indécises, ce qui n'est pas du tout une raison pour en nier l'existence, comme certains parmi les sociologues tout à fait avertis ou des politologues le font en ce qui concerne les classes sociales dans les sociétés contemporaines qui auraient, paraît-il, disparu. Donc ce n'est pas parce qu'on considère qu'il s'agit d'un, pour les groupes ethniques comme pour les classes sociales, pour les minorisés comme pour les classes sociales, d'ensemble collectif flou, ça ne veut pas dire que je n'ai pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas capable de délimiter véritablement leurs frontières, leurs contours, cela ne veut pas dire du tout que ces ensembles n'existent. Dans le monde actuel, les minorités sont très généralement, dans la société globale où elles se situent, des populations relativement moins nombreuses, en infériorité numérique, et l'on réfère ici au deuxième emploi du mot signalé par les dictionnaires, minorité au sens d'abord politique. Mais il faut prendre garde cependant que le concept sociologique de minorité n'est pas d'ordre numérique, il n'est pas d'ordre quantitatif, statistique, démographique. Et c'est là une équivoque qui convient pour l'analyse de la situation minoritaire de dissiper, la plus tenace sans doute, car allant dans le sens de l'acception la plus communément retenue du mot, alors à l'encontre de sa signification la plus évidente et qui est du reste entretenue par les définitions même des minorités qui sont données dans des textes officiels. Par exemple, du Conseil de l'Europe, dans un texte de 1990, le terme « minorité », disait-il, désigne un groupe plus petit en nombre que le reste de la population d'un État, dont les membres, quoique ressortissants de cet État, ont des particularités ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles du reste de la population. Ils sont guidés par la volonté de préserver leur culture, leur tradition, leur religion ou leur langue. Donc un groupe plus petit. Cette définition d'ordre politique vaut assurément pour l'Europe actuelle, mais dans une perspective historique et géographique plus large, la minorité, ça n'est pas. Ça n'est pas forcément, en tout cas, le plus petit nombre. On est ainsi amené à distinguer minorité numérique et minorité sociologique. Dans les faits, elles peuvent coïncider, et c'est le cas général aujourd'hui depuis la décolonisation. La minorité sociologique peut être aussi une minorité numérique, démographique, et c'est le cas général aujourd'hui, mais ça n'est pas le cas général si on se situe dans une perspective historique, car minorité numérique et minorité sociologique peuvent tout aussi bien diverger, la minorité sociologique pouvant être une majorité numérique, et inversement, une minorité statistique, démographique, a pu en tout cas être la majorité sociologique. De toute manière, il s'agit de deux réalités différentes, une minorité numérique, démographique, statistique et minorité sociologique. C'est ainsi que, selon un exemple souvent évoqué, les Noirs américains dans les comtés du sud, des États du sud des États-Unis, Mississippi, Alabama, Caroline du Sud, où ils sont plus nombreux que les Blancs, ne cessent pas pour cela d'être une minorité, aussi bien qu'ils le sont à New York, à Chicago ou ailleurs, aux États-Unis, où le rapport numérique est inverse. Il est évident que la situation minoritaire des Noirs dans la société globale américaine ne change pas du simple fait d'une modification locale de ce rapport numérique. Ils sont partout minoritaires en tant que socialement, politiquement et économiquement subordonnés. De même, les Canadiens français, du moins jusque ce que l'on a appelé la révolution tranquille des années 1960, les Canadiens français ont-ils constitué partout au Canada, étant religieusement, culturellement, économiquement et politiquement dominés, ont constitué jusqu'aux années 60, donc une minorité sociologique, y compris au Québec, y compris dans la ville de Québec et dans la ville de Montréal, où ils ont toujours été en forte majorité numérique. De manière plus éloquente encore, en situation coloniale, dans les possessions des empires européens d'outre-mer, telles que ces situations coloniales ont existé jusque vers le milieu du XXe siècle, c'était les colonisés, pourtant de très loin les plus nombreux, qui étaient sociologiquement minoritaires, en situation d'infériorité qualitative, en dépit de leur supériorité quantitative. Les Algériens, qu'on ne désignait pas comme tels d'ailleurs, mais comme les populations de statut musulman, étaient dans l'Algérie française, étaient, en dépit de leur rapport numérique par rapport aux Français d'Algérie, étaient sociologiquement minoritaires, rapport numérique de 10 à 1, il y avait 10 Algériens pour un Français d'Algérie. Mais ces Algériens, ces populations donc de statut musulman, étaient sociologiquement minoritaires, soumis à domination dans tous les domaines, économiques, politiques, linguistiques, sociales, culturelles. Comme l'était dans des rapports numériques encore plus déséquilibrés, les Marocains, les Tunisiens, les Africains des diverses colonies, les Indonésiens aux Indes néerlandaises, etc. Ainsi étaient également minoritaires d'une certaine manière étrangers dans leur propre pays, les Vietnamiens dans l'Indochine française, où ils étaient à la belle époque de la colonisation, dans les années 1920 et 1930. Ils étaient quelques 20 à 30 millions face à une population européenne qui ne dépassait pas les 30 000, qui constituait la majorité sociologique. Une poignée de Britanniques a de la même manière constitué la majorité sociologique en Inde pendant près de deux siècles face à une minorité sociologique indienne de plusieurs centaines de millions de colonisés. Les Bantous, autrement dit les Noirs, ont tout aussi bien été, et de manière exemplaire peut-on dire, autant tout proche encore de l'apartheid, une minorité sociologique en Afrique du Sud, où ils représentaient, où ils en ont toujours, de 70 à 80% de la population. Mais où c'était très clairement la minorité sociologique face à la majorité sociologique blanche, en dépit du rapport quantitatif tout à fait défavorable aux blancs. Donc le concept sociologique de minorité doit être nettement démarqué de tout contenu quantitatif, quelles que soient les incidences, qui sont bien sûr par ailleurs à prendre en compte dans les analyses de cet aspect du nombre, quand on analyse telle ou telle situation particulière, le nombre, évidemment, joue un rôle important, mais pour l'analyse, il faut bien dissocier très clairement les deux aspects de la minorité, la situation minoritaire, sociologique ou numérique. Donc le concept sociologique ne réfère pas à des ensembles collectifs moins nombreux, mais à des ensembles collectifs dominés. De même que le concept de majorité, dans cette perspective, ça ne signifie pas le plus nombreux, mais ça signifie le dominant. Ce qui apparaît central donc dans l'analyse sociologique des minorités, c'est la minorisation, c'est la situation de dominé, de dépendance, de marginalité et souvent d'exclusion. Les minorités, ce sont des ensembles collectifs non pas forcément moins nombreux, mais qui sont placés en situation de minorité, et c'est cette idée de situation minoritaire qui est essentielle et qui amène, et ça aussi c'est important, qui amène à mettre l'accent non pas sur les caractères des groupes eux-mêmes, majoritaires ou minoritaires, dans l'étude sociologique sur la minorité et les relations interethniques, il ne s'agit pas tellement d'examiner tel groupe minoritaire comparé à un groupe majoritaire, en prenant ces deux groupes à part, comme si on allait éclairer la situation minoritaire par les caractères eux-mêmes des groupes, mais cette perspective amène l'accent sur les relations, sur les rapports qui unissent majoritaires et minoritaires, et c'est cela qui est tout à fait essentiel. Situation minoritaire, ça veut dire que ces groupes, ces collectivités sont des groupes mineurs, dans le sens premier du terme minorité, que l'on a vu dans le dictionnaire, dans le sens d'être moindre, faible, inférieur, subalterne, de peu d'importance et de peu d'intérêt, et d'être placé pour cette raison sous une certaine tutelle et une certaine dépendance. Je dis bien une certaine tutelle et dépendance, car on est là dans le domaine du relatif, du plus et du moins. Les situations pouvant être dans la réalité très variable selon les rapports de force qui existent à une époque donnée, dans une société donnée, entre majoritaires et minoritaires. Rapports de force qui d'ailleurs ne tiennent pas seulement au moyen de la force nue, de la violence tout court, même si celle-ci constitue toujours l'ultima ratio, comme les colonisateurs notamment, avec leurs canonnières et leurs mitrailleuses, le savaient parfaitement, mais sans bien sûr l'avouer, sauf dans des moments particuliers de sincérité. Mais comme disait Rousseau, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir, ce qui est dire que la majorité dominante, surtout dans les cas où elle est face à une population beaucoup plus nombreuse, ne peut imposer sa domination qu'aussi longtemps que les dominés, les minoritaires, y consentent d'une manière ou d'une autre, soit pour certains activement par servitude ou suggestion volontaire, acquiescement et participation à la domination, soit pour la plupart passivement, par résignation à un ordre des choses que l'on ne peut changer. Il est évident, dans l'exemple que j'ai cité, que la poignée de Français d'Indochine face à 30 ou une trentaine de millions de Vietnamiens, sans compter les Cambodgiens et les Laotiens dans l'Indochine française, une poignée encore plus infime de Britanniques dans l'Empire des Indes, face à des centaines de millions d'Indiens, la colonisation française ou l'Indochine, la colonisation indienne ou la colonisation anglaise en Inde et les autres situations coloniales n'auraient évidemment pu durer si elle n'avait pas eu l'assentiment, activement ou passivement, des colonisés eux-mêmes. La domination des majoritaires a nécessairement besoin pour s'imposer et pour durer au moins un certain temps de la soumission, la servitude ou la suggestion volontaire des minorités. Quoi qu'il en soit, cette situation implique que les collectivités minoritaires sont, en tant que telles, frappées d'incapacité. Et cela dans un sens en définitive très voisin de cette incapacité qui frappe juridiquement, mais aussi de manière beaucoup plus large, les mineurs par excellence que sont les enfants, jusqu'à ce qu'ils puissent être éventuellement émancipés ou qu'ils atteignent l'âge de la majorité, les enfants qui sont les mineurs par excellence, mais aussi incapacité qui frappe certains vieillards, ceux dont on dit précisément, en image très parlante, qu'ils sont retombés en enfance, et d'autres juridiquement interdits, malades mentaux, faibles d'esprit ou prodigues, qui sont placés sous tutelle ou curatelle. Incapacité aussi dont sont frappées les femmes dans de nombreuses sociétés dont elles ont été frappées, dont ont été frappées les femmes et qu'elles le restent dans de nombreuses sociétés à toutes les époques, considérées comme des êtres relatifs, inférieurs, subordonnés, de moindre importance que ceux qui portent cet appendice marquant indiscutablement la supériorité qui est la barbe au menton. La barbe au menton. Incapacité, autrement dit, de tous ceux et celles qui ne peuvent pas encore être autonomes, en tout cas des enfants, ou qui ne le peuvent plus, ou qui ne le pourront jamais. Ces incapables qui ont donc impérativement besoin d'un tuteur pour être protégés. Et ce sont de fait ces idées de minorité par incapacité que l'on retrouvait très souvent, que l'on retrouve et que l'on retrouvait naguère extrêmement répandues dans les idéologies de justification de la domination par les majoritaires des minorités raciales, ethniques, régionales ou nationales, une incapacité qui est conçue soit comme temporaire, soit comme définitive. Elle est conçue comme temporaire dans les perspectives de l'évolutionnisme social, qui était, on le dit trop souvent, des perspectives à l'époque progressistes de gauche. L'évolutionnisme, dont on parle aujourd'hui avec une certaine condescendance, cet évolutionnisme du 19e siècle était une idéologie de gauche, indiscutablement, progressiste, puisque les peuples placés sous suggestion, sous domination, ne l'étaient pas à titre définitif, ils ne l'étaient que jusqu'au jour où ils seraient capables de prendre eux-mêmes en charge leur propre affaire. Donc cette domination par incapacité, cette nécessaire tutelle dans laquelle sont placés les minoritaires, peut être temporaire, même si c'est un temporaire qui peut durer très longtemps, soit cette incapacité nécessitant une tutelle est considérée comme définitive, et ce sont là les perspectives essentialistes, autrement dit racistes, les peuples dominés sont définitivement inférieurs et donc auront toujours besoin de la tutelle des majoritaires. Et donc ce sont ces idées que l'on retrouve dans les idées, dans les notions de minorité au sens premier que l'on a installé dans les dictionnaires, cette infériorité qui nécessite une tutelle, Ce sont ces idées que l'on retrouvait, que l'on retrouve parfois encore, et que l'on retrouvait en tous les cas extrêmement étendues de la justification de la domination. Il s'agit, dit-on encore parfois, de peuples trop jeunes, encore dans l'enfance, qui sont demeurés à un stade antérieur de l'évolution de l'humanité, ou bien qui, par déficience congénitale, resteront à tout jamais dans cet état d'enfance. L'éternelle enfance, disait Ernest Renan, des races imperfectibles. Et c'est le cas tout particulier des Noirs, africains ou américains, dont on ne sait plus et dont certains se plaisent encore aujourd'hui à souligner le caractère insouciant, versatile, puéril, des gens qui s'amusent à rien, qui sont toujours en train de gesticuler, de chanter et de danser. Ils ont ça dans le sang, dit-on. J'allais dire disait-on, mais non, dit-on, parce que c'est un propos qui m'a été tenu encore tout récemment, et non pas dans un bistrot par les gens qui viennent faire leur PMU, mais dans ce haut lieu où souffle l'esprit qui est l'université. Ils ont ça dans le sang, tout à fait inaptes, ces Noirs, à exceller ailleurs que dans les activités ludiques, ou ce qui revient à peu près au même, dans les activités sportives, dans la course à pied notamment, et commencer d'abondance par une actualité plus récente, dans le football. Mais le fait que ce soit des peuples trop jeunes, non pas seulement évidemment pour les Noirs africains ou américains, c'est le cas des peuples que l'on a désignés autrefois globalement comme primitifs, avec leur mentalité que l'on a dite pré-logique, mentalité aussi radicalement différente de la nôtre, à nous civilisés, que l'est la mentalité enfantine. C'était de cette manière assez générale que l'on voyait les peuples colonisés comme des peuples enfants. Des peuples qui ont été colonisés précisément parce qu'ils étaient colonisables, parce qu'ils étaient... parce qu'ils appelaient nécessairement par leur faiblesse, leur débilité, leur manifeste infériorité, la tutelle des colonisateurs. Mais ces peuples peuvent être aussi des peuples trop vieux. Des peuples séniles, atteints de sclérose, figés dans un passé définitivement dépassé. Et c'est le stéréotype qui a beaucoup fonctionné en France au XIXe siècle et encore très tard dans le XXe, et qui n'a pas aujourd'hui, semble-t-il, tout à fait disparu, dans le cas tout particulièrement des Bretons, avec les images où se mêlent intimement le sol et les hommes, les images de la vieille Bretagne, terre du passé, des traditions, des superstitions et d'une sauvagerie remontant aux premiers âges de l'humanité, à l'âge des cavernes, vieilles pierres des menhirs et des dolmens, des chapelles et des calvaires, vieilles langues aussi et vieilles coutumes qui n'en finissent pas de disparaître dans leur antique bout du monde, battues perpétuellement par les vents, la pluie et les tempêtes. Premiers éléments. Peuple trop vieux, ça c'est quelque chose qui est revenu continuellement dans les images des Bretons. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les Bretons et les Bretonnes sont aussi, en tant que primitifs, qu'ils aient en tant que primitifs une mentalité qui ressemble à celle des enfants, leur naïveté notamment et leur crédulité, ce qui permet de facilement les berner. Ce stéréotype de la sénilité, cette image de peuple fossile, c'est aussi bien appliqué autrefois à des peuples colonisés, comme ceux d'une manière assez générale du monde arabo-musulman, pour parler d'abondance de la littérature orientaliste, ou bien comme les Vietnamiens, ou un peuple semi-colonisé comme les Chinois, tous ces peuples étant considérés comme les héritiers apathiques, plongés dans une morne somnolence d'une trop longue histoire et de trop vieilles civilisations depuis longtemps tombées en décadence, dont il ne restait plus que des débris et une grimaçante caricature. Tout le discours orientaliste et extrême orientaliste est, peut-on dire, quasiment basé sur cette image du Turc ou de l'Arabe dans un décor grandiose mais qui tombe en ruine et qui passe son temps à méditer sur la vanité des choses en fumant son narguilé. C'est une image dans la littérature, mais aussi dans la peinture, parce qu'il y a eu, aussi une peinture orientaliste très, très abondante au XIXe siècle et au début du XXe. Certains auteurs, particulièrement inspirés à la grande époque de la colonisation française de l'Indochine, avaient même réussi, dans les portraits qui traçaient de ceux qui étaient alors pour eux les anamites, à réaliser en des formules saisissantes l'amalgame de la puérilité et de la sénilité. C'est ainsi que Pierre Loti, parlant des Vietnamiens, a cette formule: une très petite humanité enfantine et déjà vieillotte, qui n'a guère évolué depuis l'ancêtre préhistorique. Et sous la plume d'un journaliste célèbre à son époque, Paul Bonnetin, qui était le correspondant de Figaro pendant la conquête du Tonkin dans les années 1880, on trouve ces formules, parlant des Vietnamiens, mais des Extrêmes-Orientaux en général. Ce sont des enfants, de grands enfants, mais terriblement vieux et caduques, se transmettant un sang vicié, ou bien encore une enfantine civilisation perversement décadente. Un cliché qui a été appliqué aussi aux Chinois, par exemple par un député français, un certain Jules de la Fosse, qui n'a pas laissé son nom dans l'histoire, dans un discours à la Chambre en 1898, qui parlait des Chinois: un peuple enfantin et vieillot qui est aujourd'hui la risée du monde. C'était l'époque où les Européens tentaient d'imposer à la Chine leur colonialisme collectif, se partageant les Français, les Anglais, les Allemands et les Russes, le continent chinois et son vaste marché. Mais Renan, encore lui, l'avait déjà dit: la Chine, ce vieil enfant ratatine. De toute manière, trop jeune ou trop vieux, infantile ou sénile, ou bien, puisque l'on ne se soucie guère de la contradiction, les deux à la fois, peut-être ça ne les guère dans les discours de justification de domination, cette contradiction entre l'infantilité et la sénilité. De toute façon, ces peuples étaient ou sont des incapables. Inaptes à se diriger de manière autonome, ils ne pourraient que faire livrer à eux-mêmes leur propre malheur, tout comme les enfants et les vieillards devenus séniles, ne pourraient faire que leur propre malheur si on les laissait à eux-mêmes. Et ces minoritaires, donc mineurs, dans ce sens, de l'incapacité, ont donc, où ils avaient nécessairement besoin, dans leur propre intérêt, de la protection, de la tutelle des majoritaires, majeurs, la tutelle à la fois ferme et généreuse, comme toute tutelle qui se respecte. Ce droit d'imposer leur tutelle des majoritaires, le droit du plus fort à aider le faible, ce qui paraît vraiment le droit le plus noble et le plus haut de tous, disait Albert Sarraud, l'Union de la Troisième République. Et c'est d'ailleurs le devoir ou la mission, la fameuse mission civilisatrice de la France, c'est la mission des majoritaires d'accepter cette tâche ou ce fardeau, le fardeau de l'homme blanc des Britanniques, soit donc en des perspectives essentialistes, racistes, où ils sont considérés irrémédiablement inférieurs pour les prendre définitivement en charge, soit en des perspectives libéral et progressiste, où le lien de tutelle est conçu que comme durable, sans être perpétuel. pour amener ces minoritaires, s'ils sont des peuples enfantins à l'âge adulte, et d'amener à l'âge adulte, les émanciper, en les éduquant, les civilisant, et dans les perspectives, effectivement, de la mission civilisatrice de la France, le jour arrivera, un jour très éloigné, mais un jour arrivera où les peuples minoritaires, pris en tutelle, seront suffisamment grands, désormais, pour se prendre eux-mêmes en charge, de la même manière que les enfants, quand ils ont atteint leur majorité, peuvent se prendre en charge. Ou bien, s'il s'agit de peuples séniles, de peuples atteints de décrépitude, la tutelle, ce sera, la tâche de la tutelle, ce sera de les régénérer, de les réveiller de leur torpeur séculaire, de les ramener à la vie, de les moderniser en les convertissant, les acculturant, les intégrant, les assimilant. Dans les perspectives racistes, le problème de la fin de la tutelle ne se posait pas. Cette tutelle était posée ad vitam aeternam. Et on trouve de nombreux textes et discours de la grande époque coloniale qui sont tout à fait explicites à cet égard. Ainsi, dans un ouvrage qui est très diffusé à l'époque de la colonisation chez les peuples modernes, Paul le Roi Beaulieu disait « La colonisation est une des fonctions les plus élevées des sociétés parvenues à un état avancé de civilisation. Il n'est ni naturel ni juste que les civilisés occidentaux laissent la moitié du monde peut-être à de petits groupes d'hommes ignorants, impuissants, vrais enfants débiles, clairsemés sur des superficies incommensurables ou bien à des populations décrépites, sans énergie, sans direction, vrais vieillards incapables de tout effort, de toute action combinée et prévoyante. La tutelle, la justification de la tutelle est donc ici parfaitement claire. Ce genre de discours apparaît sans doute aujourd'hui dépassé par la décolonisation et l'évolution des rapports de force à l'échelle mondiale au détriment de l'Occident et notamment de l'Europe. Mais l'Occident, cependant, a fait à cet égard, comme à beaucoup d'autres, des émus, des disciples, et l'on peut assez facilement retrouver les thèmes dont il a usé et abusé au temps des empires coloniaux pour justifier la colonisation. On peut retrouver ces thèmes dans d'autres situations ailleurs dans le monde. Chez les Chinois, par exemple, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, à l'égard des Tibétains, notamment, ou bien des Han minoritaires par rapport aux minorités nationales chinoises, ou bien encore des Vietnamiens, dans leur relation avec leur minorité des montagnes, pour parler de quelques exemples que je connais un peu moins mal que les autres, et sans parler de ce qui existe toujours en Amérique, aux États-Unis, à l'encontre non seulement des Noirs, mais des Indiens, souvent des Latino-Américains, etc. Donc c'est ce genre de discours qui, allez dire, si on les prenait au pied de la lettre, apparaîtrait aujourd'hui comme de l'histoire ancienne, n'est pas si ancienne que ça, parce qu'on peut toujours, sans se donner beaucoup de mal, retrouver les grands thèmes de la justification de la colonisation dans d'autres situations aujourd'hui. Frappés d'incapacité, en tant que groupe mineur, ces groupes, les collectivités, ces peuples minoritaires dont on parle, sont aussi frappés de particularisme. C'est l'autre grand indicateur de la minorisation. Ces collectivités minoritaires sont particulières face à la généralité que représente la majorité. Ils sont singuliers face à l'universel que prétend incarner la majorité. Ils sont différents. Et d'une différence toujours à quelques degrés négative face à la majorité, qui est la norme et la normalité, et pour laquelle, de toute évidence, le problème d'une quelconque différence ne se pose pas. Il y a ainsi une manière normale de parler, de se comporter, de vivre, etc., qui est la manière de la majorité dans telle société donnée, et il y a les écarts, il y a les différences par rapport à cette norme. les écarts qui sont le fait du minoritaire, le groupe majoritaire étant la référence, et une figure de l'universel ne saurait lui être enfermée dans aucune particularité, dans aucun particularisme, dans aucune singularité, dans aucune ethnicité non plus, cela va de soi. L'ethnicité, ce sont toujours les autres, les différents. Et la différence reconnue aux minoritaires est toujours une différence négative, globalement négative, même s'ils peuvent se voir reconnaître à petite dose, ne remettant pas en cause le tableau général, quelques traits positifs. Être différent, particulier, s'écarter de la norme majoritaire, c'est toujours à quelques degrés infliger d'un stigmate ou d'un ensemble de stigmates, et par là d'être placé en position d'infériorité. Ce qui a si longtemps été considéré comme normal, c'était de manière tout à fait évidente, et ça l'est encore parfois, ou même assez souvent, bien qu'avec moins d'assurance, ce qui était normal, c'est d'être blanc, c'est-à-dire d'aucune couleur. Avoir la peau noire ou brune, basanée, olivâtre, jaune, tous ces qualificatifs qui ont été donnés à des peuples non européens, avoir la peau autre que blanche, donc c'est encore être d'un type autre qu'européen, ou selon une autre nomenclature en usage en Amérique, d'un autre type que caucasien. Et d'une différence, d'une visibilité, à l'évidence négative, ce terme de visibilité est lui-même très éloquent, par des minorités visibles. Au lieu de visibilité, c'est plutôt, bien entendu, de perceptibilité, qu'il conviendrait plutôt de parler de perception de la différence. Mais il y a ainsi la majorité invisible, et il y a les minorités visibles. On distingue aussi les minorités visibles et les minorités invisibles, ces minorités qui sont suffisamment vicieuses pour ressembler à la majorité par la couleur de la peau. Alors que quand la couleur de la peau est là pour indiquer clairement le statut, les choses sont beaucoup plus simples. Cette perception a été... cette représentation a été vrai pour l'Occident, bien entendu, pour les Occidentaux, mais d'une certaine manière, plus largement à l'échelle mondiale, les Blancs, les Occidentaux, ayant imposé en même temps que leur domination politique et économique, leur manière de voir, y compris de percevoir comme des critères discriminants, de façon hiérarchique, les couleurs de la peau, et quelques autres traits de l'apparence physique, telle la forme des yeux, des yeux, la sexure, des cheveux, etc. Cette image de la couleur blanche, c'est-à-dire d'être d'aucune couleur comme le blanc, c'est un temps imposé à l'échelle mondiale, et il en reste pas mal encore aujourd'hui. De même, ce qui est très largement considéré comme normal dans un pays, c'est de parler la langue de ce pays. En France, par exemple, de parler français, et pas n'importe quel français, le français grammaticalement correct et phonétiquement convenable, c'est-à-dire le français sans accent régional, sans accent d'outre-mer ou sans accent étranger, le français parlé pour n'être pas frappé d'un stigmate linguistique. Il faut parler le français légitime, tel qu'on le parle à Paris, et non pas du patois, du charabia, du baragouin, du petit nègre, ou ces français que l'on parle avec l'accent du Finistère, par exemple. Allez donc parler avec cet accent-là à la télévision, ou avec l'accent des Réunionnais ou des Antillais, ou un fort accent étranger. Cela marque immédiatement des différences. Ceux qui s'écartent de ce terme linguistique sont affectés d'une différence, toujours plus ou moins négativement connotée. Ça ne veut pas dire que ça discrimine totalement les gens, mais cette différence linguistique, à partir du moment où elle est perçue, est affectée d'un stigmate, généralement sanctionné par le ridicule. Il est ridicule d'avoir un accent autre que l'accent français légitime ou de parler, évidemment, encore plus ridicule de parler du baragouin ou du petit nègre. Ce qui a longtemps été considéré également comme normal et qu'il y a encore dans de nombreux pays, c'est d'être de la religion majoritaire. Même dans la France d'aujourd'hui, pourtant largement laïcisée, la normalité, telle que ressentie de manière diffuse, c'est d'être, quelles que soient d'ailleurs les croyances et les pratiques, c'est d'être de tradition chrétienne et plus précisément catholique romaine, être de confession ou de tradition juive, musulmane, bouddhiste ou seulement, si l'on peut dire, protestante ou orthodoxe, c'est être considéré, même sans aucune hostilité à cet égard, c'est être considéré comme pas tout à fait normal et devoir de toute façon se conformer à la norme, cette norme qui n'est pas perçue du tout par la majorité, justement, qui même a abandonné toute croyance et toute pratique, baigne dans cette atmosphère comme un poisson dans l'eau. Celui qui est de tradition différente, de religion différente, est tenu, lui ou elle, de se conformer à cette norme marquée par le calendrier. C'est le dimanche, le jour de repos, et non pas le samedi comme le Shabbat des Juifs, et non pas le vendredi comme le jour de la prière des musulmans. C'est certaines fêtes qui sont fêtées normalement par les gens de tradition catholique romaine qui se figurent aisément que ces fêtes sont des fêtes universelles, et on comprend difficilement que d'autres ne fêteraient pas Noël ou pas, ou l'Ascension, ou la Pentecôte, pourquoi pas. Et toute une ambiance générale, ne serait-ce que le bruit des cloches qui vous réveillent le matin, qui sont absolument insensibles à ceux qui ont toujours connu ça, qui sont perçus par ceux qui, précisément, sont des gens pas tout à fait normaux, puisqu'ils s'écartent de la norme. Ce rôle, cette importance de la religion étant, bien entendu, beaucoup plus accentuée en d'autres sociétés où la religion continue, comme elle le faisait dans les sociétés européennes il n'y a pas si longtemps, à jouer un bien plus grand rôle dans la vie des gens, notamment les pays de tradition musulmane. Poissés, dans le cas de la France, sont de la sorte plus ou moins minoritaires, mineurs, différents, tous ceux qui ne sont pas des blancs, francophones et de tradition catholique, ainsi des juifs en tant que tels, comme des arméniens, des roms et des tziganes, des divers immigrés ou réfugiés naguère portugais, espagnols, italiens, polonais, aujourd'hui maghrébins, africains, turcs, vietnamiens, cambodgiens, laotiens, hmong, etc. Et ainsi peuvent également être considérés en tant que tels comme minoritaires les bretons, les basques, les occitans, les corses, face aux français centraux et plus précisément aux parisiens, ces minoritaires régionaux qui sont enfermés dans leur particularisme provincial, dans le local, le périphérique, le pittoresque, le folklore. Tous ces minoritaires, qu'ils soient de l'extérieur, venus de l'extérieur, qu'ils soient minoritaires de l'intérieur, tous invités et éventuellement contraints à recourir à la médiation française pour accéder à l'universalité, à la langue française, comme il va de soi, et d'une manière générale à la civilisation française qui se situe d'emblée au niveau planétaire et non à celui d'une communauté particulière, toujours, par définition, peut-on dire, un peu étriquée, et même si, à l'heure actuelle, que l'on dit de la modernisation, cette universalité de la civilisation française, de la langue française, se trouve fortement contrariée et tend même à être supplantée par l'universalité anglo-américaine. c'est en saisissant cette dimension d'incapacité et de particularité négative avec tout ce que cela implique de la situation minoritaire que peut, semble-t-il, se mieux comprendre le statut réel des minorités, des ethno-minorités, et sa réelle signification pour les minoritaires. Ces minoritaires sont toujours, à quelques degrés, en tant que tels, en tant que minoritaires, dans cette dimension-là de leur identité, mais il faut se rappeler et insister là-dessus que les identités individuelles sont généralement pluridimensionnelles, comportent plusieurs dimensions, que les individus ont dans de nombreux cas la possibilité de jouer sur la scène sociale avec les autres dimensions de leur identité de genre, homme ou femme, leur identité de génération, jeune, moyen, vieux, de classe sociale, de professionnel, avec la possibilité de jouer avec leurs différents moi, leurs diverses personnalités sociales, de telle sorte que dévaloriser en tant que ethno-minoritaire, tel ou tel individu peut évidemment jouer sur une autre dimension de son identité pour compenser cette infériorité. Ce jeu qui est possible avec les différentes personnalités sociales et les diverses dimensions de l'identité, aussi longtemps du moins, que les individus ne sont pas enfermés dans la cage d'acier de leur identité ethnique, ou bien religieuse, on ne force pas l'individu à rentrer et à demeurer, et à ne se référer et à n'être référé qu'à travers une seule de leur identité ethnique ou religieuse, ou bien encore, là où sévissent les attitudes et les politiques racistes, être enfermé sans échappatoire et bien malgré soi, dans l'identité raciale, cette identité qui, dans certains contextes, aux États-Unis notamment, il n'y a pas si longtemps, et en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, enferme parfois encore les individus dans une seule dimension de leur identité, la dimension considérée comme raciale. Donc, dans cette dimension de leur identité, la dimension ethnique, c'est-à-dire ethnique, les minoritaires, les individus qui appartiennent à une ethno-minorité, sont en tant que tels des êtres de carence, des êtres diminués, amputés, privés d'une partie d'eux-mêmes, privés généralement de leur histoire. Les peuples soumis, dominés, sont des peuples sans histoire, c'est-à-dire des peuples, des collectivités ethniques dont a été niée par les majoritaires l'histoire particulière à laquelle a été substituée l'histoire des majoritaires. Et c'est ainsi pour la France. Le fameux « nos ancêtres les Gaulois », à peine caricaturé, qui était appris autrefois aux écoliers des colonies françaises, et c'est le cas aussi pour les minoritaires régionaux, dont a été supprimé, enfin, a été, pourtant, leur propre histoire s'est trouvée substituée par une autre histoire, celle de la France. Amputée de leur histoire, amputée aussi de leur langue, quand ils en ont une, cette langue minoritaire toujours méprisée, ravalée au rang de patois, avec toutes les connotations dévalorisantes attachées à ce mot, des langages barbares, grossiers, de russes, de ploucs, de campagnards, des langages à peine articulés, sans grammaire et très peu de vocabulaire, ce qui était le cas autrefois du breton, du basque, de l'occitan, du catalan, du corse. Et ça l'est encore parfois, même si aujourd'hui on parle plutôt de parler locaux ou de langue régionale, avec beaucoup plus d'élégance, et ce respect que l'on accorde aux morts ou aux agonisants. Mais ce ravalement en rang de patois des langues minoritaires, ça a été aussi le fait de toutes les langues africaines. Bien sûr, le wolof, le bambara, le mandingue, le saracolé, le hamza, on peut allonger la liste. Et aussi dans la Indochine française, du vietnamien, du cambodgien, du laotien, qui étaient considérés comme des langues tout à fait inférieures. Et de même, ce qui peut paraître là, rétrospectivement, assez curieux, le chinois, la langue chinoise, à une certaine époque, autour des années 1900, alors que fleurissait, accompagnant les tentatives de colonisation collective de la Chine, une abondante littérature sur le thème du péril jaune, le chinois, mais ça s'est perpétué encore assez longtemps après les années 1900, était considéré, il y a des textes d'universitaires éminents, parfois membres d'académie, des gens les plus reconnus, qui sont tout à fait intéressants à lire encore aujourd'hui, le chinois, qui était considéré que comme un langage barbare, incompréhensible aux gens normaux, avec une écriture complètement idiote, les idiogrammes. Le chinois était si bête qu'il n'avait même pas été capable d'inventer ou d'emprunter tout simplement l'alphabet, qui était évidemment très, une marque de civilisation.